Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Timothée Poissonnet. Salut à tous les amis. Salut Timothée, comment tu vas? Ça va et toi, poteau? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, en même temps, c'est payé, tellement bien payé que si tu veux que je te dise. Moi, tu me donnes un cachet de 1000 euros, je viens. S'il te plaît, Timothée, les autres invités n'ont pas été payés. Donc... Peux-tu garder notre tambouille interne? Ah, ok, ça marche. Ah, désolé, je parle trop. Parfois, je me mets à déblatérer sans réfléchir. Bon, on va la refaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bénévolement. Bah, franchement, c'est toujours un plaisir de faire des projets bénévoles. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté ton invitation. Bah, bien sûr, mais je crois que dans la vie d'un humoriste, les projets bénévoles, c'est... il y en a. Ouais. Ah, il y en a pas mal. Mais tu sais, ça me rappelle quoi? Genre, tu sais, quand les mecs sont payés et ils font semblant d'être là bénévolement et tout, tu sais, ça me rappelle tous les événements caritatifs où tu vois des stars et tu sais, t'as envie de leur dire, les gars, vous savez que si vous aviez pas pris de cachet, la cause, elle aurait été sauvée, tu vois. Ouais, ouais. C'est possible. Bon, après, pas tous. Hein. Il y en a qui prennent des beaucoup plus petits cachets. Non, m'est déjà arrivé de faire des vrais trucs caritatifs sans avoir de cachet. Je suis comme toi aussi, j'en ai déjà fait de ça. Mais moi, je te parle vraiment genre, tu sais, de superstars. Je ne parle même pas en humour ou quoi, même en chanson et tout. Je parle vraiment des superstars qui, elles, peuvent, vraiment, elles peuvent changer la donne, quoi, tu vois. Ouais, leur cachet change vraiment la cause, quoi. C'est vrai que c'est dommage des fois, surtout quand c'est de la fausse modestie, tu vois. Quand c'est genre, oui... Oui, après, quand ils utilisent le truc, oui, je serai dans cette émission caritative pour se faire passer pour le bon samaritain, ça, c'est pas cool. Après, sinon, bon, bah, c'est discutable. Ils bossent pour mettre en lumière une cause, bon, c'est discutable. Mais oui, normalement, ça devrait être bénévole, tout le monde devrait être bénévole. Pour moi, c'est vraiment un truc... Bon, bien sûr, je dis pas qu'ils doivent se débrouiller pour leur logement ou quoi, tu vois, pour leur hébergement, mais au moins, ces gens... Tout défrayé et par contre, personne payé, tu vois. Malheureusement, ça marche pas comme ça, mais je trouve ça dommage. Moi, je dis, si tu es un vrai artiste et tout, et ça arrive de temps en temps, mais je dis, quand tu es un vrai artiste, superstar ou pas superstar, si tu participes à un truc caritatif, tu demandes juste à être défrayé pour pas non plus payer de ta poche, tu vois, quand même. Mais au moins, tu demandes pas à être payé, quoi. Tu demandes pas à être... Ouais, mais le problème, c'est que le défraiement pour les uns n'est pas le même que pour les autres. Si tu veux, il y en a qui viennent en hélico. Donc, quand tu leur payes un cachet à 2000 boules, bon, bah, c'est leur défraiement, quoi. Ouais, mais attends, mais si seulement c'était le cachet à 2000 boules, mais tu... Bah non, je sais bien. Attends, il y a des artistes, quand ils vont pour un truc caritatif, bah, c'était une blague de Chevalier Las Palès à l'époque. Ils disaient, ah, mais c'était pas genre bénévole ou je sais pas quoi. Et après, il y en a, je sais plus, je crois que c'est Chevalier qui répondait, ah ben non, quand c'est des trucs caritatifs, ça coûte encore plus cher. Genre, ouais, c'est pas faux. Mais attends, ils gonflent des fois. Enfin, après, c'est possible. Je suis pas dans leur papier, je suis pas dans leur compte, tu vois. Mais franchement, laisse tomber. Oh, il y en a, quand ils cachetonnent pour ces trucs-là, ils se font cachetonner pour. Franchement, laisse tomber. Les gars, ils demandent le PIB du Luxembourg, quoi. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si tu as envie d'aider, c'est très bien. Mais. À ce moment-là, au moins, aide jusqu'au bout, tu vois. Je veux dire, va pas t'arrêter en plein milieu, tu sais. Oui, j'aide une cause noble, mais mon cachet va faire que l'entreprise va couler, tu vois. Enfin, il y a un truc, il y a quelque chose de pas logique là-dedans, quoi. Ouais, ça se discute. Et ça, tu as de très bons arguments, Sofiane. J'espère que toutes les stars de l'humour et de la chanson nous écoutent, hein, évidemment, parce que le podcast est très suivi. Non, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de stars et tout ça qui le font vraiment généreusement et qui veulent vraiment mettre en lumière des causes. Et voilà, tu vois, par exemple, je pense à Lynn Renault ou des gens comme ça qui sont vraiment investis dans des missions depuis des années et des années. Et c'est pas impossible, ils aient pris de temps en temps des cachets, mais je pense qu'ils reversent aussi énormément à des assos, des trucs comme ça. Pas tous, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent vraiment le jeu. Donc après, le système, il est fait comme ça. Il y en a parfois, ils sont invités à des trucs comme ça, ils ont des cachets, et derrière, ils le reversent à l'association. C'est parfois difficile aussi, si tu veux, c'est au niveau légal. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'au niveau légal, de temps en temps, si tu travailles, c'est difficile d'être bénévole. Enfin, il y a des trucs... J'avoue que je n'ai pas ce genre de problème-là, moi, à ce niveau-là. C'est sûr que ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'appelle et qu'on me dise « Oui, on veut absolument que vous soyez là, tu vois, genre, on vous veut, ça fait des années qu'on vous court après, s'il vous plaît, venez aider notre cause. » Non, moi, je serais plus proche du bénévolat, imposé, tu vois, que vraiment du mécénat. Enfin, voilà. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas à partir du moment où les choses sont claires, tu vois. Mais c'est vrai que si un artiste s'engage, et je suis sûr qu'il y en a qui sont engagés, tu vois, il y en a qui sont vraiment sincères dans leur démarche, totalement, j'en suis persuadé, tu vois, mais Ça m'énerverait que certains artistes disent, ouais, bien sûr, je vais participer à votre truc. C'est payé combien? Ah, tu sais, il y a un truc, il y a un mouvement de recul. Parce que je me dis, au pire, tu fais une soirée sans cachetonner. Ben, le lendemain, tu peux cachetonner tant que tu veux, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais moi, je pense que de toute façon, les artistes qui sont le plus engagés, c'est ceux que tu entendras le moins dire « Ouais, j'ai participé à ça, machin. » Parfois, il y a plein de gens qui donnent beaucoup aux associations. Dans l'ombre, exactement. Il y en a beaucoup. Après, c'est toujours bien quand un artiste le dit publiquement parce que ça met de la lumière sur un sujet. Voilà. Visibilité, c'est très bien. Si c'est une question de regarder, je suis une bonne personne, bah là, non, par contre, tu vois. Ouais, bah ça, il y en a aussi, malheureusement. Mais bon. C'est sûr. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais à te remercier. En tout cas, moi, j'ai participé à des trucs, je voulais vous le dire. Donner pour des bonnes causes. je trouve ça important. Non, mais c'est sûr. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de participer à mon podcast pour seulement 1000 euros, ce qui fait que… Bah oui, voilà, moi, c'est déjà un peu une œuvre caritative que je suis en train de faire. En tout cas, il me semble. Totalement. Je te remercie parce que grâce à toi, tu vas dire le reste de l'argent, je vais pouvoir le détourner et me payer mon yacht, comme tout le monde. C'est la base. Il n'y a pas de raison. Mais si tu as une association soi-disant caritative et que tu t'es pas payé ton yacht avec l'argent des gens qui devaient aller à la cause, à quoi ça sert d'avoir une association? On est totalement d'accord. Donc voilà, ceci est un appel au don, mesdames et messieurs. donnez. Je rassure tout le monde. Au podcast de Sofiane, s'il vous plaît. Donnez, voilà, faites des dons. Sachez que tout ce que vous allez donner ira directement pour les vacances de Sofiane et de ses enfants qui n'ont pas eu de vacances depuis déjà 2 semaines. Oui, et je te remercie vraiment. Je n'osais même pas te demander d'en faire la pub, tu vois, mais donner directement. Et vous savez, je suis quelqu'un de très timide, très discret. Donc, tout ce qui est genre virement, tout ça, je trouve ça trop, m'as-tu vu? Alors, je vous propose de venir me verser directement l'argent en liquide, dans la main, discret, comme ça. À la fin des spectacles et tout, donc vraiment soyez les bienvenus. Vous savez, c'est pas une. Non, alors j'en entends déjà qui ont dit c'est de la fraude et tout machin, c'est de l'argent au noir. Non, je suis désolé, c'est juste une question de modestie. Je ne veux pas mettre au courant les banques et tout, ça se passe entre vous et moi. C'est de la générosité, je suis modeste et vous devriez respecter ça, mesdames et messieurs. Donc merci encore, Timothée, vraiment merci. Là, s'il y a des gens qui arrivent que à ce moment-là, ils vont vraiment croire que c'est un appel au don. Hein. si tu zappes un peu le truc. On a reçu des plaintes par rapport à votre podcast et c'est ça. Tu dois avoir contrôle du fisc. Ils vont dire mais il y a personne qui a fait des dons ou quoi. Ouais, t'inquiète pas, si jamais ils voient comment je me fringue, je pense qu'ils vont se dire non, c'est impossible que ce mec-là ait détourné de l'argent, tu vois. Mais ils vont peut-être, les gens du fisc, ils vont peut-être même directement te donner des sous. T'sais. Allez, on vous donne des trucs. Ah oui. On vous a pris beaucoup trop, les impôts, on vous doit combien? Et totalement, hein, là je pense que eux en plus ils s'y connaissent très bien en fraude, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. T'inquiète pas, ils ont les dossiers, ils ont les noms. Et il y a peut-être moyen de répartir un peu mieux les richesses. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast semi-bénévole. Petit à petit, ça se transforme. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et justement, tu avais préparé des anecdotes bénévoles à nous raconter. Oui, tout à fait. Ouais, je t'ai préparé des anecdotes parce que c'est un petit peu le cœur du sujet de ton podcast. Tu m'as dit te trouver des trucs croustillants. Alors, je ne sais pas si c'est croustillant, mais j'ai des anecdotes... Moi qui personnellement m'ont fait bien marrer et qui ont pu arriver à d'autres copains, que ça soit dans la musique aussi ou comme ça, mais ouais, j'ai des petites anecdotes. Tu veux que je te les raconte direct comme ça, bim bam boum? Vas-y, tu peux raconter. Alors c'est... il faut pas donner de nom et tout parce que c'est pas cool. C'est négatif. C'est pas cool pour les endroits où ça s'est passé. Mais en gros, on m'a appelé pour faire mon spectacle, donc c'était, je pense, en 2016, je commençais à peine ma tournée et tout ça, tu vois. Mmh. Et on m'appelle dans un lieu pas très loin de Bordeaux. Je donne pas de nom, mais c'est à la Teste de Buff. Peut-être comme ça, tu auras des tips pour savoir à peu près où c'est, tu vois. Voilà, donc on m'appelle pour aller jouer là-bas. Et donc j'accepte et tout, j'étais content, tu vois. C'est mes premières tournées, machin. Et là, j'arrive dans un lieu... Je vais jouer le vendredi et le samedi, donc bon, je viens de Paris parce que j'habitais à Paris à ce moment-là, enfin j'habite à Paris et du coup je viens, je m'arrête à Bordeaux, je prends une voiture, je vais jusqu'à là-bas. L'accueil plutôt sympa, la nana sympa et tout. Et je fais, bon, il y a combien de réservations ce soir? Et la nana me dit, bon, on a oublié de faire la com, en fait, pour ce soir, on n'a pas annoncé l'événement. Donc, ce soir, en fait, on ne va pas jouer. Je dis, mais comment ça, on ne va pas jouer? Mais vous avez fait la com pour demain, au moins. Fait, ah bah non, mais on va la faire là, maintenant. On va... Donc là, déjà, tu commences sur des bonnes bases, tu vois, tu arrives, tu n'as pas de com de fête. Tu te dis, bah merde, alors si je viens et qu'on ne dit pas que je joue, c'est compliqué pour qu'il y ait du monde qui vienne, tu vois. Mmh. Et dis, non, mais on va se débrouiller, t'inquiète pas, on va faire venir du monde et tout. Bon, est-ce ça, ok, encore, ça... comment compter sur un sens, sur genre un sixième sens des spectateurs, tu vois, du style, on a senti qu'il y avait de l'humour par là. Ah ouais, par là, ça sent l'humour. Non, mais je pense qu'en fait, c'était les premières fois qu'ils organisaient ce genre d'événement. C'est un lieu où ils faisaient de temps en temps des scènes ouvertes. Voilà, c'est pour te donner d'autres indications. T'inquiète pas, t'as bien compris. Je sais où c'est. Tu sais où c'est, mais on ne le dira pas. Et donc, du coup, ils organisaient des scènes ouvertes et là, ils devaient venir. J'étais un des premiers événements. Donc, c'était pas des professionnels du truc. Bon, ils avaient un restaurant et ils avaient monté une scène à côté. Ça aurait pu devenir un truc génial. Sauf que, donc moi, j'arrive, donc ils m'annoncent tout ça. Et je leur dis, bon, ok, pas de souci, machin. Ils proposent un truc à manger, donc sympa. J'y suis allé avec ma nana. Donc, tu vois, bon, c'est pas grave, c'est la thèse de bûche, c'est très sympa. La ville est cool. Il n'y a pas de souci. Et puis, je débutais, donc bon, moi, tu me donnais des chips et du coca. Je suis content, tu vois, déjà c'est cool. Donc, bon. C'est ça que tu aurais dû donner pour le podcast en fait. Voilà, tu aurais dû négocier. C'est 1000 balles ton affaire. 2000, coca, 2000. C'est 1000 euros de cachet, ça fait 2000 à déclarer. mais donc, du coup bon, bah, voilà, j'apprends la nouvelle. Bon, je suis un peu triste et tout, mais c'est pas grave. Je dis, bon, je suis avec ma nana, on va passer un bon week-end. Ils auraient dû te prévenir avant, tu vois. Histoire que, au moins, tu puisses rester soit sur Bordeaux, soit venir le lendemain carrément dans le coin, ou je sais pas, tu vois, mais bah, c'est, au moins ça, c'est ça. Bah, déjà, ça, c'est le premier truc pas cool. Mais si c'était que ça, mon Sofiane, c'est pas grave. on débute, on est là, bon, ok, j'aurais dû les appeler avant de partir, leur dire, bon, il y a combien de résas, me renseigner et tout. Non, mais là, c'est qu'ils avaient pas fait la com du tout, quoi. C'est même pas. C'est chaud de pas faire de com quand quelqu'un vient, tu vois. Surtout quand tu vas faire jouer un spectacle comme ça, et qu'en plus le lieu était nouveau, donc il fallait encore voilà. Clientèle, tu vois. Et le problème, bah, c'est que pour attirer des gens et tout, tu es obligé de faire de la com. Pour un spectacle le vendredi, tu dois faire de la com au moins 2 ou 3 semaines avant, quoi. Ouais, ou au moins un jour avant, ça aurait été bien, mais pas le jour même pour le soir ou quoi. Donc, bref, le soir, donc j'ai dit, enfin, on a convenu de ne pas jouer le soir. J'ai dit, bah, on ne va pas commencer la com là. Et je suis arrivé, il devait être 14h. Pour qu'il y ait 5 pelés ce soir, ce n'est pas la peine. Je dis, oui, ok. Je fais, bon, bah, voilà, on va, si, commençons la com, mais pour demain, qu'il y ait au moins du monde un peu demain. Mm-hmm. Donc, ok, il commence la com et tout. Je suis content. Et puis là, je leur dis, bon, bah, vous pouvez me montrer la scène. Alors, l'endroit, comme tu dis, il est hyper cool. Sauf que là, ils montrent la scène. Et ils me disent, par contre, on n'a pas installé encore les lumières. Donc, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de light, il n'y avait rien, il n'y a pas de son, il n'y avait aucun système sonore, rien du tout. Bon, j'aurais pu jouer. Si je faisais du stand-up pur, j'aurais pu jouer comme ça, tu vois, ce n'est pas très grave. Sauf que moi, j'ai monté un spectacle et j'ai des effets lumière, j'ai des effets de son et tout. Et à l'époque, j'avais besoin de ça. C'était bon, voilà, j'ai une régie. Je fais, mais qui est votre régisseur? On n'a pas de régisseur. Tu vois, tout ça, c'est des trucs qui me tombent dessus. Parce que moi, après, je commençais. Peut-être j'aurais dû plus poser les questions. Est-ce que vous avez un régisseur? Voilà, donc là, je ne leur mets pas la faute sur eux. Je dis, bon, c'est pas grave. Ma nana connaît le spectacle par cœur. Elle a participé à la mise en scène et tout. C'est pas grave. Elle va faire la régie. Sauf que donc, il n'y a pas de lumière. Et ils nous disent, mais t'inquiète, on reçoit les lumières cet après-midi. Donc, je dis, ah ouais, d'accord, normalement, je devais jouer le soir. Ouais. Il n'y avait pas de light, il n'y avait pas de son. Et donc, les lumières arrivent et tout. Donc, je les vois. Là, tu vois, j'ai profité un peu de la journée avec ma nana. Il est 16h, 17h. Ouais, je vois les lumières arriver. Donc, les lumières arrivent et il les pose, les mecs. Ouais. Il les pose là. Il les pose et ils se barrent. Il les pose et ils se barrent. Parce que c'était des livreurs. Donc, normal, pas de problème jusque-là. Et donc là, je vais revoir la patronne. Je lui dis vous avez reçu les lumières. Elle fait ouais, on vient de les recevoir, trop bien, on est content et tout. Je fais ok, mais est-ce que vous allez les installer? Ouais. Et du coup, elle me dit ah bah ça, je sais pas les installer. Et elle me demande toi, tu saurais faire ça? Ah, non, bah moi, je suis gentil, tu vois, et puis j'en ai besoin le lendemain. Je me dis, bah, tant qu'à faire, je dis, mais t'as pas un technicien, parce que moi, je suis pas technicien, je m'y connais un tout petit peu, mais je peux pas te faire une installation pro et tout, donc ça peut tenir et tout, mais je sais pas trop. Je lui dis, bon, où est la table de mixage de la lumière et tout? Et bon, une table de mixage, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un endroit où tu branches les lumières pour pouvoir les mettre facilement et les brancher, les débrancher, changer les couleurs et tout. Et là, elle me dit « Ah non, on a acheté des lumières, mais pas de table de mixage. » Et donc, en gros, je fais « Alors, comment on peut brancher des lumières ?» Elle fait « Ah, je sais pas. » Et donc, le seul système qu'on a trouvé, c'était de prendre en fait des multiprises avec, tu sais, des petits boutons sur les prises. Et on a branché chaque lumière individuellement ou quatre sur une même prise pour pouvoir faire des changements de lumière et tout. Et donc, du coup, on a installé des lights, mais sans boîte, sans le matériel, quoi, au final, sans ce qu'il fallait, donc sur des prises, machin. Et le lendemain, je joue devant 15 personnes, parce qu'ils avaient réussi à faire de la com. Donc déjà, j'étais content, parce que je me dis, bon, voilà. Il y a 15 personnes, c'est cool et tout. Franchement, le lendemain, c'est quand même pas mal, ça va. Franchement, c'est très cool, j'étais content et tout. Et je joue dans les conditions. Donc c'est ma nana qui était derrière les lumières. Pareil, le son, on avait une enceinte branchée, une espèce d'enceinte. Tu vois les enceintes que tu peux acheter, genre les Bose ou les trucs comme ça. Ça a l'air de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Tant que je joue, moi, j'étais content. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mm-hmm. C'est juste qu'ils auraient pu nous prévenir. Bon, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de régisseur, il n'y a pas de spectateur. Oui, aussi. Et voilà, quoi. C'est gênant, ça. Du coup, je joue et comme c'était des boutons à l'arrache, j'entendais les boutons. Enfin, j'en ai joué pendant tout le spectacle. Les gens ont bien kiffé et tout, ça s'est hyper bien passé parce que les gens ont bien vu la situation. Enfin, tu vois, tu connais un petit peu les ficelles du métier. Tu leur racontes un peu l'anecdote, tu leur dis, voilà, ça va être comme ça. Ils auraient pu te prévenir, c'est sûr. Et ils t'ont pas demandé, alors je vais dire un terme qui leur était peut-être inconnu, certainement, mais ils t'ont pas proposé de leur envoyer une fiche technique? Non, pas du tout. Et à l'époque, j'en envoyais très souvent. Eux, ils m'ont pas demandé et tout. Je me suis dit, ils connaissent leur sujet, ils savent ce qu'ils ont. Mais c'est de ma faute aussi. Enfin, je mets pas, tu vois, je mets pas toute la faute sur eux, puisque c'est à moi aussi en tant qu'artiste. J'aurais pu me renseigner et tout sur le lieu, mais on m'avait dit c'était cool, machin et tout. Sauf que il y avait pas de light, il y avait pas des petites choses que je savais pas forcément. Mais je pense qu'ils en ont déjà eu des lumières, mais ils avaient eu des problèmes avec les anciennes lumières. Enfin voilà, il y avait une espèce d'histoire comme ça. Je me rappelle plus exactement de pourquoi j'ai dû faire ce changement de lumière, mais en gros. Mais en gros, il commençait hein, vraiment. Je crois que j'étais un des premiers humoristes à aller là-bas aussi avec mon spectacle entier. Parce qu'encore une fois, quand tu fais des plateaux ou quoi, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de truc et que tu es au courant, ce n'est pas grave. Tu fais ton set de 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Il faut pouvoir s'adapter. Mais là, un spectacle entier. C'est plus gênant. C'était un peu plus gênant, surtout que c'était mes débuts et tout ça. Voilà, mais t'apprends. En tout cas, c'était une des anecdotes assez rigolotes. J'allais te dire, ça s'est passé comment, du coup, côté spectateur? Déjà, ils ont quand même apprécié le spectacle et tout. Ah ouais, ils ont grave kiffé le spectacle, mais parce que j'ai joué avec, j'ai joué avec ça, justement. J'ai joué avec la situation en leur expliquant, je leur ai dit, regardez, c'est ma nana aux platines derrière. Ouais. De toute façon, dès qu'elle changeait une lumière, t'entendrais un gros clic, tu sais, comme quand t'as les prises multiples, là, tu fais un clic, ça s'entend quand même. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont 15, qu'on est dans une petite salle, hein, c'est pas une grande salle du tout, ça peut accueillir au maximum, je sais pas, 50 personnes, je pense, un truc comme ça. Et donc, du coup, quand tu cliques, t'entends clic, vraiment. Donc, dès qu'elle changeait de lumière, c'était un délire. Il y avait une empathie du public envers toi, quoi. En plus, oui. Puis après j'ai... Je sais pas, le spectacle, ils étaient à fond dans le spectacle. Donc, au bout d'un moment, tu oublies ce truc-là, puis où tu t'habitues, quoi. C'est comme quand il y a un petit son à cause d'un micro qui grésille, s'il est pendant tout le truc. Alors, certes, c'est chiant, mais au final, tu t'y habitues. Si tu es plongé dans l'histoire, dans le spectacle, tu passes outre, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Et au niveau des lights, t'as pas eu un souci, genre une lumière qui a claqué ou parce que non, franchement ça va. Ça de ce côté-là, non, il y a pas de lumière qui a claqué. Par contre, les lumières étaient claquées au sol. Mais à part ça. Mais déjà, c'est pas mal qu'il y en ait eu. Hein. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que je me dis que ta régie dépend de l'arrivée à l'heure de Chronopost, quand même. Tu vois, c'est ouf. C'est ouf. J'avoue que là, c'est quand même bizarre de se dire, tu sais, autant le mec te dit, ouais, l'installation est neuve, autant toi, elle était neuve au pied de la lettre. C'est-à-dire, elle venait d'arriver devant toi. Tu vois, c'était. Bah après, ça m'a appris à m'adapter parce que forcément, j'avais pas tous mes effets. Enfin, tu vois, on l'a fait à l'arrache, donc j'avais pas tous mes effets et tout. Mais ça m'a appris aussi à m'adapter, et chose que j'ai fait avec plein d'autres anecdotes au cours de la tournée et tout après. Mais tu vois, j'ai déjà joué aussi à Shanghai. Quand j'ai joué à Shanghai, ben, j'ai joué dans un bar où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lumière, pas de son, c'était la même chose. Mais bon, là, j'étais au courant. Donc, quand tu es au courant, si tu veux, tu peux t'adapter en amont et te préparer psychologiquement à faire ton spectacle dans ces conditions-là. Là, c'était un petit peu, j'arrive sur le fait accompli, on me dit, voilà, ce sera comme ça, et tu as un jour pour te dire, OK, donc, comment je fais ? Bon, voilà, après, c'était hyper cool. Moi, c'est une expérience. Sur le coup, je t'avoue, moi, je n'étais pas content, j'étais un peu vénère. Mais après tu prends les choses avec philosophie, avec du recul, bah, c'était une super expérience, et voilà, quoi. Et donc, du coup, j'ai une autre anecdote dans ce style-là. Donc, là, ce n'était pas pareil. C'était dans une grande salle, spectacle qui était vendu et tout, dans une grande salle, machin. Et j'arrive et en fait, le régisseur qui est là, c'est un mec qui n'est pas du tout… Ce n'est pas son métier. Donc, il me dit… Bon, ça, tu as déjà connu aussi, je suis sûr. Oh, mais clairement. Ouais. C'est le mec qui fait régisseur et la journée, il est jardinier et rôtisseur. Exactement. Donc, c'était un peu ça. Je dis non, moi je suis pas régisseur et tout. Donc là, je lui donne ma régie. Je fais bon, je l'ai déjà envoyé. Tu as eu le temps de regarder la régie? Il fait ah bah non, j'ai pas eu le temps, désolé, machin. Et puis il découvre la régie et il dit ah ouais, quand même, il y a quand même des petits changements de lumière et tout. Je fais bah ouais, il y a quelques changements, mais c'est pour ça que j'ai envoyé la régie en amont pour, tu vois, et la fiche technique. Il a fait oh là là, il me dit oh là là, je suis pas sûr du tout d'y arriver. Le mec, c'est pas son métier. Et qui te dit ça, c'est chaud. Donc, du coup, tu sais ce que j'ai dit, parce que j'avais envie vraiment de que le spectacle se passe bien. J'ai été gentil avec lui, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux que je fasse moi-même ma régie ? Et il m'a dit, ah, franchement, je préfère. Si ça ne dérange pas, je préfère. Donc, du coup, j'ai installé, mais vraiment, toute l'installation, lumière et son, sur la scène, et je faisais ma régie en live. Donc, c'est-à-dire que quand j'envoyais un son, c'est moi qui l'envoyais. Quand je devais changer de lumière, c'est moi. Mais du coup, pareil, j'en ai tellement joué, le public a adoré, parce que ça devient un jeu, en fait. Ça devient un jeu. C'en est mignon, quoi. Mais s'il te plaît, Timothée, ne veux-tu pas reconnaître ce message de l'univers après deux anecdotes comme ça ? Tu veux pas comprendre que tu es technicien et pas humoriste ? S'il te plaît, en tout cas, j'ai appris des trucs. En tout cas, c'est sûr que j'ai appris des trucs. Assume ta destinée, tu sais. Non, j'aime bien faire travailler les techniciens. D'ailleurs, je travaille avec un très bon technicien, mon régisseur général. Je le cite, Jonas Balgrucht, il est très, très bon. Il m'a suivi, en fait, je l'ai découvert à Marseille, Quai du Rire. Yes. Et il m'a suivi après sur tous mes Avignons. Et c'était un des plus jeunes techniciens du Festival d'Avignon. Et depuis, il travaille aussi avec de Lamine Lesgade, Florent Père et tout ça. Donc, c'est un très, très bon technicien, un surdoué. Ça ne m'étonne même pas qu'avec ces anecdotes que tu as vécues, justement, maintenant, tu aies pris les devants et que tu es toujours quelqu'un avec toi. De toute façon, tous les spectacles, j'ai l'impression, tous les spectacles qui ont des régies très chargées ont leur propre régisseur, parce que sinon, c'est trop long d'expliquer à tout le monde. Parce que déjà, tu perds du temps à chaque fois. Tu perds une heure et demie à faire la régie avec le mec entre deux retournages de terre, parce que le mec, je te dis, il est jardinier, tu vois. Et surtout… tu vas prendre le risque que le mec justement rate les effets. Même des grands professionnels, si tu as une régie un peu compliquée, même des grands pros, ils peuvent se louper, ce qui est normal, c'est humain. Les mecs, s'ils découvrent ton spectacle, t'attends pas à ce que ça soit parfait non plus. Après, il y en a des très bons qui arrivent à suivre, mais bon, ça c'est… Voilà. J'ai vraiment été surpris par les régisseurs pros. Franchement, il y en a, ils m'ont bluffé par leur professionnalisme, tu vois. Ils te font même mieux que ce que tu pensais. Tu vois, ils t'amènent des trucs. Totalement. Ils te refont des lights et tout, c'est génial. Ouais, ils te font des suggestions et tout. Moi, je leur dis, je leur dis franchement, laissez libre cours à votre créativité. Je vous fais confiance. Hein, moi, j'ai vraiment pas d'exigence parce que moi, j'ai une régie totalement, enfin vraiment, elle est toute simple, quoi. C'est juste genre, enfin maintenant, j'ai encore simplifié, mais à l'époque, c'était genre une musique au début, après un noir entre chaque passage et une musique en même temps. C'est tout. Il y avait que ça, tu vois. Mais j'avais pas des effets. Je crois que j'avais deux effets sonores dans les morceaux. C'est tout. Juste deux dans tout le spectacle. Alors que maintenant, j'ai même simplifié encore plus. C'est entrée musique. Des petites lumières un peu discothèque, un peu, tu sais, genre des strobos et tout, s'il y a. Ensuite, tout le spectacle et à la fin, musique de fin avec un noir. C'est tout. Rien de plus, tu vois. Rien de plus. Vraiment, je l'ai simplifié au maximum. Mais moi, il y a des régisseurs qui m'ont bluffé. Je les ai vus vraiment. Alors moi, avec mon spectacle à moi, ça va. Ils sont pas surmenés, ça va. Mais moi, j'ai vu des histoires. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Il y a Manon Le Pomme en Belgique qui m'a raconté qu'elle avait fait un spectacle. Elle avait dû remplacer au pied levé Julie Villers, parce qu'à la base, elle faisait sa première partie. Et Julie Villers, qui était enceinte, avait dû se reposer parce qu'elle avait un risque d'accoucher alors qu'elle n'avait pas encore fini sa grossesse, quoi. Donc, elle était partie se reposer à la maison et tout. Et au lieu de faire la première partie, elle a carrément fait son spectacle. Elle l'a su le soir même, tu vois. Et du coup, elle a vu la régisseuse et elle lui a expliqué, c'est une régisseuse, donc c'est la régisseuse du Point Virgule, et elle lui a expliqué, elle lui a dit, écoute, voilà ma régie et tout. Ils avaient un quart d'heure, je crois. Un quart d'heure pour la travailler. T'imagines un quart d'heure pour une régie ? C'est très court. C'est ouf. C'est voilà. Ouf. Pour une régie d'une heure, c'est très court. Et elle a dit, je lui ai donné la régie en un quart d'heure, elle n'a pas fait une erreur pendant le spectacle. Ouais, bah ça dépend, oui. Il y en a des, c'est ce que je dis. Hein. Il y en a qui sont hyper pro et tout. Mais n'empêche. Et inversement, il y en a qui ne sont pas pro et qui te font aussi une super régie parce qu'ils sont hyper investis. Machin. Donc. Après c'est pareil et puis de toute façon l'erreur est humaine, encore une fois c'est comme toi quand t'es sur scène, bah parfois t'as des bides, bon bah voilà, moi j'ai déjà eu des bides, oh. Et le régisseur dans ce cas là il va pas dire ouais, il a oh, je vois pas trop de quoi tu parles. l'idée pardon, je connais pas, ça veut dire quoi ce verbe? tous les humoristes tous. Connaissent ça tous. Moi je kiffe quand les mecs te disent ah moi non honnêtement j'ai jamais bidé moi. ça n'existe pas. Alors, je peux les croire dans ces cas-là, mais c'est parce que juste, en fait, c'est une constante chez eux, tu vois. Donc, du coup, c'est pas qu'ils ont jamais bidé, c'est qu'ils ont jamais marché. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais. Alors, dans ce cas-là, ils se rendent pas compte. Voilà, donc, exactement, c'est ça. Et donc là, le public était avec toi, et puis c'était mignon de faire ta propre régie et tout. Ouais, et... c'était drôle. Puis vraiment, il y avait du monde là, donc... Presque, ils m'ont demandé, il y en a certains qui m'ont demandé à la fin si c'était fait exprès, si mon spectacle était tout le temps comme ça. Donc là, oui. Je disais, bah, à certains, je leur disais, bah oui, c'est voulu, c'est vraiment une direction artistique que j'ai prise. Et à d'autres, je leur disais, mais non, pas du tout, tu vois. Et oh, quel escroc, quel escroc. Ah, ben oui, j'adore. Ah, mais c'est bien, c'est bien ça d'avoir eu cette communion un petit peu avec le public, tu sais, en mode, on est à l'arrache, tu vois. Tu sais, c'est un peu, comme on dit, à la bonne franquette, quoi, tu vois. Ouais, ils viennent, bah oui. Voilà, ils voient un spectacle, c'est un petit peu décousu niveau régie, mais le. Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper, cool d'aller voir des spectacles vivants, parce que tu ne peux voir ce genre de choses que dans des spectacles vivants. Quand tu coupes des émissions ou des trucs ou des spectacles rodés qui sont coupés et mis à la télé, bah ça tu le vois pas ce genre de truc. Là, tu vis vraiment un truc particulier, quoi. Ça, hein, c'est l'essence même du spectacle vivant, quoi. C'est différent à chaque fois. Il peut se passer n'importe quoi. Voilà. C'est le cœur de la relation entre l'humoriste et son public. C'est vraiment, venez, on va vivre un moment unique. Même si le texte est écrit, on va vivre quand même un moment unique. Ouais. Bah oui, selon la forme de l'artiste, selon les réactions du public, c'est toujours différent. C'est cool. Franchement, c'est trop cool. On a de la chance de faire ce métier, Sofiane. Absolument, et ça nous manque tellement. Ouais, ouais. Mais peut-être quand le podcast passera, on sera sur scène, j'espère. Oui, bah, j'espère. Parce que je sais que tu en as beaucoup à couper, donc... Non, c'est vrai que là, ouais, ben, là, l'épisode sortira certainement courant juin ou vraiment peut-être début juillet ou quoi. Et là, j'espère que vraiment les salles auront rouvert, qu'on pourra jouer... tu vois, malheureusement... Mais c'est bien parce que tu dis juin, mais ne dis pas... Tu dis juin, mais ne dis pas l'année. Comme ça, tu es sûr, tu peux le sortir en juin. Oui, alors... Les gens qui vont écouter le podcast en juin 2038. Oui, il a raison, on vient d'ouvrir. Ah oui, on a réouvert. On a réouvert il y a 2 mois. On vient de vaincre le variant lituanien. Oh, punaise. Oh, laisse tomber les variants. Oh, ça me saoule, cette histoire-là. Tu sais, ils alimentent la peur, tu vois. Ils alimentent ça à chaque fois. Variant machin, variant machin. Eh, c'est bon. Ouais. Le variant le plus dangereux, c'est le variant gouvernemental. Ouais, écoute. Après, j'aimerais pas être à leur place non plus pour gérer tout ça. Mais bon. C'est compliqué. Tu ferais bien, hein, tu sais. Et puis, je te verrais bien, genre, dire, bon, mesdames et messieurs, écoutez, je suis maintenant au gouvernement, on a un problème. Je ferais des blagues tout le temps, frère. Je ferais des blagues tout le temps. Mais de ouf. Je te verrais bien. Vous savez quoi? On réouvre demain. Non, je déconne. Non, moi, je t'aurais vu rouvrir, moi. Non, mais je ferais des feintes comme ça. Bah, en fait, ils le font déjà. Ah oui. On va rouvrir le 15 décembre. Et non. Tu vois, voilà. C'est un grand classique, ça. Ah non, on pourrait t'accuser de plagiat. Bon, grave. Mais je te verrais bien annoncer, oui, mesdames et messieurs, on a eu un petit problème de light avec la tour Eiffel. Du coup, c'est moi qui vais l'allumer avec un bouton. Et tu vois, un peu comme tu as fait dans ta première anecdote, tu vois, genre, tu vas brancher la tour Eiffel à une prise. Ouais. Écoutez, mesdames et messieurs, le message, c'est voter Timothée Poissonnet, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est quand les prochaines élections? C'est bientôt en plus. 2022, oui, l'année prochaine. T'as vu, je suis très, très au courant de tout ça. Bah, bien sûr, je vois que t'es à fond. Après, honnêtement, quand tu vois le résultat, c'est la même, hein, franchement. Ouais, enfin, quand même. Je veux pas rentrer dans de la politique, mais quand même. On verra bien. Bah, écoute, hein, l'année prochaine, on verra. Il faudra aller voter et puis on va essayer d'apprendre de nos erreurs du passé, on va dire. Ouais. Ça devient trop politique, cette émission. Oh là là! Oh, on a commencé avec les artistes bénévoles, mais pas tant que ça. Voilà. Et, c'est ça, c'est très politisé. Le gouvernement, alors, le gouvernement n'est pas bénévole, par contre, on va pas se mentir. Hein. Et toi, dans ton podcast, tu racontes pas une anecdote qui t'est arrivée? En fait, c'est quand ça m'inspire, quoi. C'est quand la personne me raconte un truc et ça m'en rappelle un. Ben, moi, je peux te raconter ce qui m'est arrivé. Tu vois, la même chose que toi, mais moi, c'était même pas une galère. Moi, c'était voulu, tu vois. C'est en fait, j'ai joué à l'époque dans la salle du Feu le Sonar, que tu connais certainement. Oui, ils ont fermé d'ailleurs. Et justement, voilà, c'est pour ça que je dis Feu le Sonar. Vraiment, ouais. Je suis triste parce que c'était une salle magnifique. Dommage. Ah ouais, il y avait beaucoup de stand-up là-bas et tout. Et je me rappelle que je suis parti jouer mon spectacle. Mais moi, si tu veux, j'ai eu la même chose que toi. Mais voilà, c'était prévu. C'est-à-dire qu'on m'a dit, soit tu loues la salle pour 20 euros et en gros, tu joues ton spectacle et après, tu fais un chapeau comme tu veux. Soit on te met un régisseur. Par contre, il faudra le payer lui 50 euros. Donc, si tu veux, pour une régie comme la tienne, ça vaut le coup parce qu'elle est chargée. Mais la mienne, c'était vraiment que des noirs et de la musique à envoyer. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait la régie moi-même, tu vois, j'appuyais sur le bouton de la lumière à chaque fois et tout. Vu ce que ça a fait, Sofiane. À cause de toi, désolé. Ils ont fermé. Non, le sonar n'a pas fermé à cause de moi, je te jure que j'ai eu des rires. Je te promets que j'ai eu des rires. En plus, honnêtement, c'était en 2014, je crois, ou 13. Non, ça devait être 2014. Bon, pour ta défense, ils ont fermé il n'y a pas longtemps. C'est... Voilà, si mon spectacle a créé une fermeture 7 ans plus tard, je peux te dire que vraiment, j'ai dû bider sévère ce soir. Ah, mais dis-toi qu'en ce moment, puisqu'on est dans la politique, il y a plein de choses qui se sont passées il y a quelques années, il y a genre 10 ans, et ça revient sur le tapis. Hein, donc, J'avoue. Alors, par rapport à ta deuxième anecdote, enfin troisième du coup, est-ce que tu vas sortir un hashtag « balance ton régisseur » Non, c'est bon. Je garde les noms et tout. Mais en plus, il était adorable, hein, vraiment. Oui. J'ai senti, lui, il était vraiment cool. J'ai senti que c'était presque pour mon bien qu'il me disait… Ouais, je préfère que tu la fasses toi, franchement, je ne le sens pas, tu vois, je préfère qu'on me dise ça, que le mec dise, écoute, je ne le sens pas du tout, et à la rigueur, si c'est dans une salle, une grande salle et tout, tu dises, pas grave, c'est quoi, on fait juste une lumière, maintenant, aujourd'hui, j'ai ce recul-là, mais je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'un mec qui me dit, et ça m'est déjà arrivé, ouais, genre, t'inquiète, ouais. Je gère, ouais, je sais. Quand on te dit, ouais, t'inquiète, je gère, il faut s'inquiéter de ouf. Hein. C'est clair. Non, ben voilà, ça m'est déjà arrivé aussi, des régisseurs qui me disent oh « Ouais, c'est bon, j'ai tout capté et tout. » Je dis « Mais tu veux pas qu'on fasse une petite répète en plus et tout ?»« Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai tout. Ah, » En général. Ouais, il te flingue un effet sur deux, quoi. Oh là là. Et ça m'est arrivé dans une grande salle devant 700 personnes, ça. Ça, c'est une autre anecdote. C'est une autre anecdote. Donc, grande salle, je dirais pas où. Mais, mais bref, c'était un festival. Voilà, et du coup, je joue mon spectacle entier. Oui. Et là, il y a deux régisseurs. Donc, tu sais, comme dans les festivals, au début, il y a un concours d'humoristes. Donc, avant moi, il y avait des humoristes et tout. Donc, les régisseurs sont très pris par le concours aussi, ce qui est totalement normal. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi aussi, j'ai fait des concours, des festivals et tout. Et donc, du coup, ils ont plein d'univers différents, genre 4-5 univers différents, voire 6. Là, il y avait 6 candidats qui passaient avant mon spectacle. Et donc, ils ont pris beaucoup de temps pour faire ça. Ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le mien, j'ai l'impression, ils ont un peu bâclé, alors que je faisais mon spectacle entier, ils ont un peu bâclé le truc. Tu vois, c'est plutôt l'inverse qu'il aurait fallu faire, quoi. Non, je ne suis pas d'accord, parce que moi, j'ai fait des festivals. C'était à moi, mais en fait, ce que je reproche, c'est que j'avais dit, est-ce que je peux venir avec mon régisseur ? J'avais proposé de venir avec mon régisseur, et ils m'ont dit, dans le budget, c'est chaud. Ah, d'accord. Donc, okay. En fait… Ouais, je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient dû bâcler forcément, quelqu'un, tu vois, l'un ou l'autre. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur la régie du spectacle d'après, qui va durer 1h30, plutôt que sur les passages de chacun qui vont durer 5 ou 10 minutes, tu vois ? Ouais, mais en ayant été dans la peau des candidats, tu sais à quel point, quand t'es dans un truc, un concours et tout, la pression que t'as, c'est relou. Mais c'est très très dur, j'en ai fait beaucoup et je sais que c'est très très dur. Mais dans ces cas-là, si tu veux, c'est une question de temps. Évidemment, dans l'idéal, je suis totalement d'accord avec toi, il aurait fallu accorder tout le temps nécessaire à la régie des candidats, puis non, tout le temps nécessaire. Moi, le seul truc que je reproche, c'est qu'ils n'aient pas pris mon régisseur, alors que je leur ai dit, attention, moi, il me faut moins 2 heures de régie et tout. Et que du coup, ils m'ont dit, non, mais ça ne rentre pas dans le budget. J'ai fait, OK. Et le mec, en plus, m'a dit, mais t'inquiète, on a 2 régisseurs. Je les connaissais, j'avais fait le concours, moi, l'année d'avant. Donc, je les connaissais, je savais qu'ils étaient très bons et tout. Je ne remets pas en question leur professionnalisme. Mais c'est juste que là, bah, ils n'ont pas eu le temps. Du coup, ils étaient. On a un petit peu. Parcouru rapidement, trop rapidement le spectacle et les mecs m'ont dit non mais t'inquiète, on gère. D'accord. Et donc voilà, et donc j'ai dit bon, vous êtes sûr et tout, vous voulez pas qu'on refasse une répète? Les gens commençaient à rentrer dans la salle, c'est la salle d'attente et tout. Je voulais pas qu'on refasse une dernière fois la petite répète et tout pour qu'on soit sûr. Ils m'ont dit non, t'inquiète et tout. Bon, ils en avaient marre aussi, tu vois, ils ont passé toute la journée, je comprends que ça peut être éreintant et tout. Et donc du coup, j'ai dit bon, ok, je vous fais confiance. Et donc là, passent les candidats, ça se passe bien et tout. Et puis mon spectacle, je crois un effet sur deux. Et après, mais c'est pareil. J'en ai joué, parce que c'est du spectacle vivant, j'en ai joué, et ça s'est bien passé. Et sur le coup, j'étais vénère, mais avec du recul, bah, c'est pareil, c'est des expériences, on a rigolé, tout le monde, tu vois. C'est juste que toi, en fait, les spectacles, c'est un peu comme des bébés, c'est un peu nos bébés à nous, tu vois. On sait très bien ce qu'ils valent, et si tu veux, tu sais quand c'est au maximum, qu'il est bien et tout, enfin, tu vois, t'en es fier. Et quand on te le bâcle un peu, tu te dis on aurait pu faire mieux, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui viennent te dire non mais c'était super. Eux ils connaissent pas le spectacle dans sa meilleure forme, donc eux ils ont vécu un truc avec toi et ils sont contents. Les gens sont contents de découvrir ton spectacle, eux ils le voient dans une forme que tu leur présentes sur le moment, et tant que ça les fait marrer, eux ils s'en fichent complètement. C'est mais ça, toi tu sais ça. La vérité, tu sais que ton spectacle il a été, tu vois, il y a eu tel effet qui a été raté, tel effet et tout. Mais je suis un petit peu comme toi, tu vois. Oui. J'en joue aussi. Une fois j'avais joué mon spectacle et tout, il y avait le mec qui organisait le spectacle qui en même temps faisait la régie. Après, ma régie elle est très simple, hein, mais il a quand même réussi à me flinguer des effets. Je te jure, il a quand même réussi à me flinguer des effets. Du coup, moi dans ces cas-là, la phrase que je dis, ça m'est venu en impro ce soir-là et maintenant je l'ai gardé. C'est genre, je disais, alors mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais m'adresser à la régie. Je disais oui, à la régie. Alors tu mettras bien les bouteilles, s'il te plaît, dans le bac du tri, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, du style, t'es bourré, tu vois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Je leur en veux pas. Hein. Ah oui, attention, je tiens à préciser. Bien sûr, je taquine depuis tout à l'heure avec ces histoires de régie ratée et tout. Mais vraiment, jamais de la vie, j'irai voir un mec, un régisseur, et lui dire ce que t'as fait, c'est naze, t'es complètement nul. Non, je sais que le mec fait ce qu'il peut. Il peut pas non plus. Tu connais un peu mon tempérament. Ça m'est déjà arrivé de prendre un peu la mouche et de discuter avec un régisseur, mais bon, après ça se finit autour d'un verre et il n'y a pas de souci. Mais sur le coup, tu vois, sur le coup du mécontentement, parfois tu es là, oh là là, ça, tout. Enfin voilà, moi je le dis, comme parfois il y en a qui sortent de scène en pleurs après un bide ou quoi, tu vois, chacun a son propre ressenti sur le moment, c'est pas grave. Bien sûr. Il n'y a rien de grave. Et après, quand tu prends du recul, tu te dis, bon, c'est bon, j'aurais pu être plus smooth, mais bon, chacun est comme il est. Mais donc, ça m'est déjà arrivé de dire après, d'être allé voir la régie, dire, qu'est-ce qui s'est passé et tout, les mecs. Parfois, c'est eux qui viennent s'excuser. Et ils disent, désolé, on a, tu vois, ça, j'apprécie encore plus. Et moi, souvent, quand ils viennent s'excuser, je me dis, désolé, j'ai pas fait rire autant que j'aurais voulu, tu vois, aussi. Parce que tu peux toujours faire mieux. Donc, voilà, mais voilà, non, ça c'est juste le fait qu'il m'ait dit de ne pas venir avec mon régisseur, et du coup… Ouais, c'est dommage, mais ça n'a pas donné le… Surtout, c'était une grande salle et tout, et là, je jouais devant beaucoup de monde. Ouais, mais en tout cas, tu t'en es bien tiré et bravo à toi. Hein, bah, c'est le sens de l'impro, c'est beaucoup de choses et tout. Et bah, vraiment, merci beaucoup pour ces super anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Timothée.poissonnet sur Instagram, Timothée.poissonnet sur Facebook, Twitter et YouTube aussi. Ouais. Et YouTube aussi. D'accord. Ouais, ouais, j'ai quelques vidéos et pas mal de choses en préparation. Voilà, j'ai des petites dingueries sous le coude. Avec grand plaisir, on ira voir ça. Donc, je mettrai Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et puis surtout sur scène, quoi. Dès qu'on peut y retourner, ah, oui. Je reprends ma tournée. Ah, bah, absolument. 2021-2022, vu toutes les dates qu'on doit recaler, vous allez me voir dans votre ville parce que ça fait. Ouais, c'est, ah bah, je vais voir Timothée ouais, sur, dans son spectacle Timothée Poissonnet dans le bocal. Et donc, pour ma part, vous me retrouvez également bah, sur scène, j'espère très bientôt, et sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.